L'actualité à Nancy et ailleurs. Un bal qui tient à cœur, c'est ce dimanche 25 mars à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. Un bal qui tient à cœur, c'est un rendez-vous porté par des étudiants, futurs professeurs de l'École supérieure d'art de Lorraine. Camille Vazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même étudiante ? Oui, je prépare actuellement, en fait, avec l'équipe de la promotion, le diplôme d'état de professeur de musique. Et nous montons ce projet dans le cadre d'un projet de promotion. Alors, ça se passe donc ce dimanche 25 mars à Tomblaine, donc à l'espace Jean Jaurès, comme je le disais en introduction. Un bal qui tient à cœur, un rendez-vous donc organisé au profit des Restos du Cœur. C'est bien ça ? Tout à fait. Oui, voilà. En fait, c'est un projet musical à but caritatif qui a finalement un double objectif. Le premier objectif étant de récolter des denrées donc à destination des bénéficiaires des Restaurants du Cœur. Et le second objectif qui est de faire passer un bon moment aux bénéficiaires de l'association, mais également à un public large. C'est la première fois que vous organisez un tel rendez-vous ? De façon générale, nous organisons des concerts une fois par mois, donc avec l'École supérieure d'art de Lorraine. Mais nous tenions vraiment à organiser un concert à visée plus large, qui est vraiment un objectif humain, artistique et humain. Et c'est pour ça que nous avons pensé travailler en collaboration avec les Restos du Cœur, qui est donc une association qui touche un public assez large, avec qui nous avons vraiment trouvé une écoute et un travail en synergie. Vous vous destinez donc à devenir professeur de musique au sein de ce pôle musique et danse de Lorraine ? Alors, de façon générale, nous nous destinons à enseigner au sein des écoles spécialisées de musique, donc notamment les conservatoires. Voilà, rayonnements communaux, départementaux, régionaux, en fonction de ce qu'on nous proposera par la suite. C'est un peu ce que vous allez faire ce dimanche, parce que vous allez un peu initier peut-être les personnes qui seront là à différentes danses et musiques. Alors oui, en fait, on espère accueillir un public nombreux pour mener à bien cette démarche artistique et humaine. Et nous allons proposer un programme assez large de musique dansée. Nous allons également faire appel aux futurs professeurs de danse qui vont venir aider un petit peu le public à se plonger dans ces différentes esthétiques. Donc on va proposer du rock, de la salsa, du mambo, des slow, le Madison, la Macarena, de la musique de Balkans. Voilà, on essaye d'avoir un panel assez large d'esthétique musicale de façon à répondre aux envies de tous. C'est donc ce dimanche 25 mars à 17h30 à l'espace Jean Jaurès, salle Léo Ferré pour être très précis. L'entrée est libre, mais on vient donc avec des denrées alimentaires. Voilà, en fait, l'entrée est gratuite pour tous. Simplement, nous aimerions que le public puisse effectivement participer à la réussite de ce projet caritatif et humanitaire en amenant des denrées soit alimentaires ou non alimentaires, mais qui dans tous les cas soient non périssables. Nous aurons des représentants de l'association des Restos du Cœur qui viendront faire la récolte de ce que nous aurons pu recueillir ce jour-là au moment du concert. Que l'on soit bien clair, que l'on soit danseur ou pas du tout, on est bien sûr les bienvenus ce dimanche. Absolument. Absolument. De toute façon, nos futurs professeurs danseurs seront là pour aiguiller le public, pour l'initier aux différents pas de danse, de façon à ce que nous puissions vraiment tous partager ensemble un bon moment. Et c'est une bien belle initiative qui se déroulera donc ce dimanche 25 mars à l'espace Jean Jaurès, salle Léo Ferré, 3 avenue de la Paix à Tomblaine, à 17h30 donc, un bal qui tient à cœur. Camille Vazard, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.